09 02 01 01 01. Narcos. Le rack. C'est juste un avant-goût, refrain, hein. Yo, tous les frères. Ok, Narco. Il paraît qu'il faut vivre chaque jour comme le dernier. Alors écoute chacun de mes titres, prends-le comme l'ultime. Capte le verbe et médite plus loin que la rime. Il s'agit juste d'un mec qui avance solo centimes. Se retrouve souvent sans thune, préférait remonter le time. Contenter de centimes, quitte à faire des chansons sans titre. Et tout le temps il s'entête à garder des principes dont tout le monde se tape, c'est pas grave, il persiste. On n'a qu'une vie et qu'une mort et je veux pas les rater. On aura tous le même sort, à quoi bon s'éreinter. Depuis ma naissance, la chance m'a feinté. Je lui ai filé rancard, elle s'est jamais pointée. Donc je suis seul, solo, solamente, alone. Avec la déprime récurrente de Jack Malone. Pas pour autant que je me noie dans du Jack Daniel. Je cours peut-être à ma perte comme Jack Mérine. Chaque jour je crois que je me rapproche un peu plus du ciel. Guette le crépuscule d'une pauvre vie qui se périme. Je n'ai plus d'illusions, lucide à l'extrême. Si j'étais raciste, ce serait contre la race humaine. Aujourd'hui rien n'est gratuit, y'a que la mort qui se donne. Dark est mon esprit quand sur la vie je me questionne. Black sont mes idées, plus personne ne raisonne. Alors pourquoi hésiter à dire la vérité sur l'homme. Aujourd'hui rien n'est gratuit, y'a que la mort qui se donne. Dark est mon esprit quand sur la vie je me questionne. Black sont mes idées, plus personne ne raisonne. Alors pourquoi hésiter à dire la vérité sur l'homme. Genre de mec ouais. Que tu pourrais aimer. Mais je fais tout le travers et suis détesté. La vie est courte, le temps passe vite. Fini les pans des cours, je suis assez speed. Car trop de trucs à penser, chaque jour je déprime. Pense de pauvre rime et me rapproche si près de l'abîme que rien ne m'habite. Seul, et de plus en plus, le malheur m'habite. Et la tristesse chez moi, chaque soir s'invite. Décevoir est devenu classique. Je m'exprime par mes zik, mais offensé. Que peut écouter donc assez offensé. J'ai beau foncer, ou mes sourcils français. Je n'ai qu'un cœur, il se fissure. Qu'un corps pourri, mais je l'assume. Je sais que peu j'assure, que trop je pense au futur. La vie est dure et dire que ça dure. Que c'est que le début, mais ma voix manque de débile. Beaucoup me prennent pour un débile. Mon rêve, que la poisse je la dessine. Que l'avenir devant moi en grand se dessine. Pour l'instant je me résigne. Espère voir la chance frapper à ma porte. Forcément de bonnes nouvelles elle m'apporte. Car je t'avoue je cours à ma perte. Je veux que les problèmes partent. Car à l'inverse de narcose je les noix dans l'alcool, rien de cool quand j'y coule en balle. La vie pour moi de plus en plus a un goût bien fade. Du genre de mec qui marche à pattes quand tu l'as goûté. Et beaucoup trop l'ont fait. J'ai bien trop rarement triomphé. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pas grand chose mais sache que je resterai pas le cul cloué à ma chaise. Parce que j'en ai marre d'enchaîner les cuites comme les relations. Je voudrais prendre la fuite, c'est le but de mes narrations. Marre, on claque la porte à mon gros pif. Je voudrais m'envoler comme un gros piaf. Quitter la routine, les sales chasses. C'est taf, car je me rétame et ne veux plus attendre. Texte dédié à tous les gars du père. J'en fais chi par me plaindre, mais dans la vie je vise un nouveau départ. Le rack. J'en fais chi par me plaindre, mais dans la vie je vise un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Ok. Prémisse.